Le rassemblement de masse de la ville de Pyongyang en faveur de la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a eu lieu le 9 août sur la place Kim Il-sung. Y ont figuré Kim Gi-nam, Choi Tae-bo, Lee Soo-young et autres, Kim Yong-dae, président du comité central du Parti social-démocrate de Corée, les cadres du cabinet ministériel, des formations sociales, des ministères, des établissements centraux, des organismes, usines et entreprises, ainsi que des travailleurs, des jeunes étudiants de la ville de Pyongyang. Lee Soo-young, membre du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, membre du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a donné lecture de la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. Dans son discours, Kim Gi-nam, membre du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, membre du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a dit entre autres « En mettant en cause le lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de notre pays, les États-Unis et leurs suivistes ont adopté une nouvelle résolution de sanctions au nom de l'ONU. C'est un crime contre l'humanité jamais connu pour écraser complètement notre souveraineté, notre droit à l'existence et au développement, et aussi un crime terroriste d'État impardonnable. Les États-Unis, pays de gangsters le plus impudent, a pris l'initiative et les lâches sans principe ont levé la main pour adopter la résolution. Ce n'est qu'un emportement désespéré de ceux épouvantés devant notre République qui occupe la position stratégique d'une puissance nucléaire tchutsé, d'une puissance militaire d'ordre mondial. Si nous avons détenu le nucléaire et les fusées les plus puissants, c'est la mesure de légitime défense pour défendre le destin du pays et de la nation et pour nous assurer du droit au développement indépendant. L'impérialisme américain qui se dit unique superpuissance du monde se résigne à rédiger des dossiers criminels sans faire autre chose contre nous, même en mobilisant toutes leurs suivistes. Cette réalité prouve clairement que la ligne de notre parti consistant à mener de front la construction économique et la construction des forces nucléaires constitue le drapeau éternel de la paix et de la prospérité et l'arme invincible. Jusqu'à présent, les forces hostiles ont mis en cause chaque exercice de notre droit juste et adopté à plusieurs reprises des résolutions de sanctions de l'ONU dont aucune n'a pu nous effrayer. Toute sanction et toute pression n'ont fait rien d'autre chose que de durcir notre volonté d'indépendance et d'intensifier la capacité de nous renforcer nous-mêmes. Dans le contexte où la tentative américaine s'avère la plus ignoble, nous renforcerons toujours la force de la justice destinée à éliminer toute l'injustice et la source du mal, et ferons voir à quel sort lamentable seront réduits ceux qui nous barrent la route. Les pays voisins qui ont abandonné et la justice et les convenances élémentaires pour devenir marionnettes des États-Unis ne pourront jamais décliner la responsabilité d'avoir aggravé plus la situation dans la péninsule coréenne et mis en danger la paix et la sécurité de la région. Que les États-Unis et leurs suivistes se déchaînent. Inébranlable est notre République qui a l'arme nucléaire et la fusée balistique intercontinentale les plus puissantes. Tous sont appelés à suivre la direction invincible du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un pour militer vigoureusement pour la victoire finale de la confrontation anti-impérialiste et anti-américaine et de l'édification d'une puissance socialiste. Le délégué des ouvriers Park Hyung-yol, directeur de l'usine de transformation alimentaire de Pyongyang, a soutenu entièrement au nom de la classe ouvrière la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, qui rejette la résolution de sanctions adoptée de façon illégale par les États-Unis et les forces hostiles, en mettant en cause notre lancement d'essais. La déléguée des agriculteurs, Chung Yong-soo, présidente du comité de l'arrondissement de Lyokpo pour la direction des fermes coopératives, a dit entre autres « Le riz mène au socialisme. Le riz constitue les balles et obus pour anéantir les ennemis. Par la bonne culture agricole, on doit neutraliser la sanction et le blocus atroce des ennemis. » Au nom des intellectuels, Kim Chol-ho, doyen de l'université de technologie Kim Tae, a souligné « En réponse à la demande de la situation où les impérialistes américains ont lancé un défi inouï en bloquant entièrement le commerce et les échanges économiques de notre pays, les intellectuels opposeront à la sanction des ennemis des réalisations scientifiques et techniques étonnant le monde entier. Le délégué des jeunes Moon Chol, premier secrétaire du comité de l'Union de la jeunesse pour la ville de Pyongyang, a affirmé. Les jeunes deviendront 100 millions de balles et bombes, 100 millions d'ogives nucléaires pour balayer de la terre tout le territoire américain abominable. Il y a eu ensuite la manifestation de masse.